waa bi nag benn inspecteur moo ñëwoon benn école quoi. Léegi mu ñëwoon benn classe CM2 comme ça se fait d' habitude daal maanaam. Bon léegi mu ñëw si classe bi affaire yooyu xam nga bon maître bi présenté élèves yi affaire yooyu. Donc bu si yàggee nag bon maître bi ne bon mes élèves aujourd'hui vous allez me construire des phrases au passé simple. Ok? Élève yi ne d'accord maître. Xam nga bon élèves di participé affaire yooyu. Mais élève ni ñu participé loolu yëpp il y avait un gamin qui était derrière il s'appelait Abdoulaye. Waaye moom nag c' était le plus nul de la classe quoi. Mais jour boobu nag xamuñu affaire bi nu mu demee. Mais Abdoulaye dafa bëggoon participé de yëkkati loxoom. Bon inspecteur nag gis loolu ne maître bi mais attendez depuis que je suis venu là depuis ce matin ce gosse qui est derrière il essaie de participer et vous lui donnez même pas la parole. Donc mais attendez monsieur le maître faut quand même lui donner la parole. Maître bi ne d'accord monsieur le professeur je vais lui donner la parole. Léegi après maître bi ne bon Abdoulaye qu'est ce que tu as à nous dire il faut me construire une phrase au passé simple. Abdoulaye Diouk ne ko bien sûr monsieur mu ne ko commence. Abdoulaye ne un jour mon père m'appela. Maître bi ne ko très bien Abdoulaye continue. Abdoulaye ne et me dit ça Abdoulaye vana machata du charbon à la boutique de Demba Sala. Prof yëngal bopp bi quoi xam nga en fait Abdoulaye dafa bëggoon wax un jour mon père m'appela et me dit Abdoulaye viens m'acheter du charbon à la boutique de Demba Sall. Abdoulaye nag waxe ko hé mon père m'appela et me dit ça hé Abdoulaye vana machata du charbon à la boutique de Demba Sall.